Chapitre 12. Salvatore arriva à Bruxelles dans les premiers jours d'octobre. Gemma travaillait dans la bibliothèque quand il vint voir son grand-père. De nouveau, l'impression de sécurité la pénétra en sa présence, calma les anxiétés qui hantaient son esprit au sujet de Mao. Sa froideur première à l'égard de Mademoiselle de Fontaillan avait décidément disparu. Il lui témoignait un empressement discret auquel se mêlait aujourd'hui une amicale gaieté. S'informant des nouvelles d'Auberte, il dit qu'il viendrait la voir le lendemain, et comme Gemma mentionnait qu'elle faisait avec elle tous les matins une promenade dans les jardins, il déclara « J'irai vous tenir un instant compagnie, si vous le permettez. » Puis il fut question de l'ouvrage que M. de Camparène terminait avec l'aide de sa collaboratrice. Salvatore s'y intéressait beaucoup. Il en avait lu à Dinard nombre de pages et certaines de ses observations, de ses suggestions, avaient été reconnues par le comte et par Gemma, qui appréciaient la sûreté de son jugement. « Si j'entreprends une autre œuvre après celle-ci, je te demanderai comme collaborateur supplémentaire, » lui dit M. de Camparène. « Je ne refuserai pas, grand-père, » répliqua Salvatore en souriant. « J'aurai le temps cet hiver, puisque je le passerai en partie ici. Il y a plusieurs années que nous n'avions eu ce plaisir. Tu aimais cependant les sports d'hiver. Je les aime toujours. Je serai heureux de m'y remettre. » Salvatore parlait distraitement. Il regardait le pur profil de Gemma penché sur des feuillets manuscrits qu'elle remettait en ordre. Une porte fut ouverte à ce moment. Un pas foula le tapis de haute laine. Laetitia s'avançait, vêtue de soie couleur rubis. « Ah, vous voilà, Salvatore !» Le jeune homme se leva, baisa la main qu'elle lui tendait. « Je suis arrivé hier. Grand-mère est-elle dans le salon jaune? Je vais la saluer. »« Oui, je le pense. Attendez-moi une minute, le temps que je prenne un livre dont j'ai besoin. Je vous accompagne. J'ai promis à Lionel de faire avec lui une partie d'échecs. Il a essayé d'apprendre ce jeu à Mao, mais elle ne s'y met pas du tout. « Il ne faut pas l'ennuyer avec cela, cet enfant, » dit M. de Camparène. « Il y a des choses plus intéressantes pour une jeune femme. » À Bruxelles, pas beaucoup, quand on ne s'intéresse pas aux occupations intellectuelles. Cette réflexion était faite par Laetitia. Tout en parlant, elle allait à un rayon garni de livres, en prenait un et revenait vers la table près de laquelle se tenaient le vieillard, Gemma et Salvatore. « L'existence ici est agréable pour ceux qui ont des ressources dans l'esprit. Je ne crois pas que Mao... » Elle suspendit sa phrase. Gemma dit franchement « Non, Mao n'en a pas beaucoup. » Alors elle souffrira. Mais il n'y a rien à faire, elle a accepté ce destin, elle est liée jusqu'à la mort. Gemma eut un léger frisson. Elle ne savait quoi, dans l'accent de Laetitia, venait de l'émouvoir péniblement. « Elle l'a accepté, » dit Salvatore. Il n'acheva pas sa phrase et prit congé de son grand-père. Laetitia et lui sortirent de la bibliothèque. Gemma remarqua inconsciemment comme ils formaient un beau couple, si bruns tous deux, grands et d'allure souple, nobles, élégantes. Comme s'il devinait sa pensée, M. de Camparène murmura « Quel dommage que Salvatore ne veuille pas se marier. Elle aurait été pour lui une compagne si parfaite. » Gemma songea « Oh non, il y a en elle une sombre énigme. Lui, dont l'âme semble si droite, si claire. Non, non !» Mais plus d'une fois, au cours de la soirée, elle revit en pensée la comtesse Camparini, vêtue de cette robe dont la nuance éclatante seyait à sa beauté brune, et près d'elle, Salvatore. Avec un singulier serrement de cœur, elle se demandait « Se laissera-t-il convaincre un jour? Il est très froid à son égard, il ne semble pas avoir de sympathie pour elle, mais qui sait ?» Dans la matinée du lendemain, au cours de sa promenade avec Auberte, Gemma vit apparaître Salvatore. Il embrassa la petite fille, lui parla affectueusement. Puis, tandis qu'elle marchait devant eux, il demanda en baissant la voix « Et Mao, est-elle toujours au septième ciel ?» Hélas, ce que j'avais prévu s'est bien vite réalisé. » En peu de mots, Gemma mit son interlocuteur au courant de la situation. « Vous ne m'étonnez pas, Lionel est un fieffé égoïste, mais en outre, il y a chez lui le plaisir pervers de faire souffrir. La pauvre Juliette en a fait la triste expérience. Il l'a martyrisée moralement, avec d'autant plus de délectation, je suppose, qu'il connaissait la sensibilité de son cœur. » Un âpre mépris passait dans la voix de Salvatore. Il répéta « Il l'a martyrisée, elle en est morte, je crois. » Gemma dit avec angoisse « Je me demande comment Mao supportera cette tyrannie sournoise. En tout cas, ce sera un conflit perpétuel. » « Évidemment, oui, vous qualifiez bien la manière d'agir de Lionel, la sournoiserie, la subtile méchanceté sous le sourire. Il est infiniment habile et ne se met pas dans son tort. Quel grief sérieux sa femme pourrait-elle invoquer devant un tribunal ? À première vue, ce n'en est pas un de vouloir qu'elle ne le quitte pas, qu'elle le fasse jouir constamment de la vue de sa beauté, rehaussée par les toilettes, les bijoux dont il lui a fait présent. On dira, elle a trouvé dans ce mariage fortune et luxe. Il est équitable qu'en retour, elle accepte de bonne grâce des exigences qui prouvent l'amour de son mari. « Oui, murmura Gemma. Oui, on dira cela. Pauvre Mao, je crains qu'elle ne paie cher cette situation qui lui apparaissait tellement merveilleuse. Mais rien de ce que j'ai pu dire n'a réussi à la persuader. Elle avait horreur du travail, d'une vie simple, n'est-ce pas? Mais l'esclavage où elle s'est engagée lui paraîtra sans doute plus dur encore. » Comme les jeunes gens approchaient du château, ils se turent. Salvatore prit congé de Gemma et s'éloigna dans la direction de son logis. Sous la loggia, Mao, étendu dans un fauteuil, tenait à la main un livre qu'elle ne lisait pas. Elle interpella sa sœur. « Puisque tu étais avec Salvatore, tu aurais pu me l'amener. Nous aurions causé un peu. Je croyais qu'il ne te plaisait pas. » Mao leva les épaules. « Il déplaît à Lionel. C'est tout différent. Je ne suis pas obligée d'être hostile aux gens que mon mari déteste. » Au fond, je me demande ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il m'a raconté au sujet de sa seconde femme et de son cousin. Tu avais peut-être raison en traitant cela de calomnie. » Ainsi, déjà, la légère Mao elle-même doutait de la véracité de Lionel. Il y eut une trêve pour elle à la fin d'octobre quand il s'agit de commander et d'essayer des toilettes d'hiver. Elle se rendit plusieurs fois à Nice avec Madame de Camparène. Mais il n'y eut pas de soirée passée au casino ou ailleurs, comme pendant les fiançailles. Tout au plus, Lionel tolérait-il un déjeuner chez Brigida. Mais il fallait que sa femme fût rentrée pour le dîner. Gemma, avec Joyce et Aubert, accompagnait aussi sa sœur et la comtesse. Elle avait des achats à effectuer, soit pour elle, soit pour les petites filles, que Madame de Camparène l'a chargée de faire habiller pour l'hiver. Un après-midi, elles rencontrèrent Salvatore qui remontait à Bruxelles. Il pleuvait. Gemma avait terminé ce qu'elle avait à faire, mais Madame de Camparène et Mao se trouvaient retardées par un essayage. Salvatore offrit d'emmener ses nièces et Gemma. Les enfants s'installèrent à l'arrière et Gemma prit place près de lui. Pendant la première partie du trajet, ils n'échangèrent que peu de paroles. Puis Salvatore demanda à Gemma si elle avait commencé à examiner les archives de Bruxelles. « Oui, celles qui proviennent des premiers possesseurs de votre château. Jusqu'ici, je n'y ai trouvé rien de saillant. Les documents sont d'ailleurs peu nombreux. Y en eut-il détruit au cours des siècles ? Peut-être. Ces Brandas paraissent avoir été une race guerrière. » « Un peu pillarde, si l'on en croit la tradition, » interrompit Salvatore. « Ils n'étaient pas les seuls dans ce cas. Maguelienne de Brandas épousa Tommaso Camparini. Dernière descendante de cette famille, elle lui apportait en dot Bruxelles et d'autres seigneuries. Le fils aîné de Tommaso, Salvatore, francisa son nom qui devint Camparène. Il était le petit-neveu de ce César et Camparini que la légende, du moins je veux croire que c'est une légende, accuse d'avoir été fort expert dans la fabrication des poisons. Depuis, notre famille a toujours eu de bons rapports avec ses cousins d'Italie. Une de mes arrière-grand-tantes a épousé un Camparini au siècle dernier. C'est d'elle que descend Laetitia. Donna Laetitia a une réputation comme chimiste, m'a dit Madame de Camparène. Oui, c'est une femme de valeur au point de vue intellectuel. Un cerveau, une âme obscure. Une âme obscure. Il a jugé ainsi, lui qui avait dit un jour, au cours d'une causerie sur le yacht des Grangères, « J'aime les âmes claires, sans détour. » Gemma sentit en elle un contentement subtil dont la nature lui échappait.